Canada, que tu sois Kouta, ta Brazza, Luanda, en South Africa, Abidjan, Yaoundé, Libreville, Paris ou même Jamena. Si Koyoyo, Kanati, Kelly, Iyo, papa. Panina nanga ya, teka kosa langa bongo. Kofi nanga ezali mabe. Keba katanga ezali kolo, okolo baloba mingi he. Nana sali ya nini ye. Atao finginga, atao tanginga, namboka ya bapesare, so sonde mokanzi. It's now we do it. Woko ningada, ningada. Koninga naku. Woko ningiza, ningiza. It's now we do it. Woko ningiza, mapeka. Ningada, ningiza naku. Woko ningiza, ningiza. Koningisa ka. Encore une fois dans les deux bois. Oko ningana, sois Kouta. Liliane, souviens-toi. Fulangenge au top sur Kinshasa. Papa sera de nouveau le Pacha. Tu verras cash à moins que Zala. Chegué pour briller sous son Diki. Et que viva la musica. Tony Sada. Bon, ça lui va voir. N'a pas ma mémoire. Et ça la caca. Nazala koyeba papa. Bata ya baka e. Bope sa ni etolie. Bolo le souez ali ma be. Ezalaka se bongo, mokile zaliere, bongo la bongo la bongo la bo, manga tabaka, makalamba. Tipo so etabe tika ye akwela it's the way.